raire esquilar. Chaque monde l'appelle. Des dunes brûlantes, de dunes aux mers de Siafti. Chaque pas fort, la légende, chaque souffle été d'essentiel. Rust et ses forêts, humides et silencieuses. Bah, j'ai inattendu. J'étais à Ruère et les gratte-ciels étincelants. Riders qui l'arpentent, chaque monde devient géant. Les alliés suivent, fidèles et alertes. Chaque action, chaque tir devient expert. Horizon et conquête mer, sable et ciel.